place les nouveaux diplômes, qui ne se font pas forcément avec grande facilité, même sous feu de la critique de plusieurs acteurs dans le monde universitaire. Je pense notamment à la commission permanente du CNU, qui avait mis en garde dans un communiqué en février 2015 contre ce type de diplôme, en expliquant les diplômes d'université d'un nouveau genre, présentés comme doctorat sous des dénominations diverses, qui répondent principalement aux attentes professionnelles des cadres supérieurs économiques et administratifs qui souhaitent obtenir rapidement un PhD pour accroître la valeur marchande de leur CV sur les marchés professionnels internationaux ou sur des postes dans une entreprise qui recrute désormais dans le cadre d'une compétition internationale. Donc qui pointait l'aspect accroissement des revenus ou ouverture de postes spécifiques dans un univers des marchés du travail mondialisé sur certains segments. À la suite de ça, NMSCP, également intervenu de manière très critique, suite notamment aux problématiques d'externalisation des diplômes à l'IUP d'Aix-en-Provence. Il y a eu une problématique aussi autour de la caractère vénal de certains diplômes qui a mené au remplacement de la direction depuis, en expliquant sa profonde inquiétude par rapport à ce qu'elle qualifie de grande braderie des diplômes des universités françaises, en nommant les diplômes exécutif doctorate ou autres faux doctorats pour dirigeants, grands patrons ou fonctionnaires de l'ENA ou de l'ENM en mal de reconnaissance dans leur carrière internationale. Voilà, donc des propos qui sont assez durs, qui, à mon avis, s'expliquent. Il y a bien quelque chose d'affiché, mais... Oui, ouais, c'est ça, mais la résolution, c'est là où il y a la vidéo. Ce moment... Donc il s'agit comme j'expliquais avant toute chose, d'effectuer un investissement de entre 25 et 30 000 euros dans un programme pour en échange obtenir une rente de situation avec une majoration salariale, ou bien par des postes obtenus ou bien par des augmentations de salaire liées à l'affichage du titre de docteur. Donc augmentation des perspectives salariales et des revenus derrière. Donc je vais essayer de montrer... pour revenir sur les différents arguments que nous on a mobilisés au moment de la tentative de mise en place par Sciences Po de ce type de diplôme, montrer les enjeux en termes de contenu du doctorat, montrer les enjeux en termes de place et de trajectoire des doctorants, et montrer les conséquences en termes purement financières pour l'établissement d'accueil. Vous avez un exemple ici que je trouve drôle, donc c'est juste pour vous le montrer. Donc, qui a créé une entreprise après, c'est la première génération de ce type de doctorat professionnel, donc sur une thèse en sciences de la gestion. Il appelle ça une thèse, donc c'est pas une thèse en réalité, mais bon, je vais revenir de derrière sur les flous sémantiques. Donc là, ici c'est appelé une thèse, même si en fait c'est un Executive Doctorate in Business Administration, c'est une thesis au sens anglo-saxon du terme, ça ne veut pas dire une thèse, mais bon, c'est traduit massivement par thèse. Ici vous avez une thèse intitulée « Les histoires méconnues des chefs d'entreprise en difficulté à la recherche des facteurs clés de succès dans l'échec » avec pas moins de 14 entretiens, 500 pages transcrites, 22 contributions scientifiques, 23 facteurs clés de succès, 50 questions d'autodiagnostic et 30 axes de recherche ultérieure. S'il y a des gens ici qui font des recherches avec un seul axe de recherche ultérieure, il vous en manque 29 pour pouvoir rivaliser avec ce qu'on appelle un doctorat professionnel. Et avec évidemment une synthèse accessible à tout public. Alors en plus, de très bon goût, vous voyez l'image de Nelson Mandela qui figure les difficultés des entrepreneurs contemporains. Donc, crédit invictus, croire à une forme d'invisibilité pour pouvoir rebondir. Donc, non, c'est pas un livre de scientologie, c'est un doctorat professionnel. Donc voilà, qui reprend une partie d'enseignement de la thèse qui a été soutenue à l'Université de Paris-Dauphine en les rendant accessibles à tout public confronté à des transitions professionnelles ou personnelles. 23 petits chapitres pour être lus indépendamment les uns des autres. On retrouve les 23 apports à la science de gestion. Sont autant de principes de vie assez simples auxquels chacun pourra se référer pour mieux vivre des périodes délicates ou accélérer un rebond après un échec. Donc là, on est plus que dans l'appliqué. On est vraiment dans du surappliqué, on va dire, en termes de recherche. Donc bon, c'est un exemple qui est drôle, mais en fait qui est un peu inquiétant parce que c'est pas le seul et il y en a plusieurs comme ça. Et ça pose des problèmes. Un des premiers problèmes évidemment que génère ce type de doctorat professionnel, c'est sur la commensurabilité et la distinction entre les doctorats entre guillemets dits classiques, même si bon du coup le mot est un peu compliqué, on ne sait pas du coup comment trop qualifier les doctorats non professionnels, ce qui renvoie évidemment la profession d'enseignant-chercheur à quelque chose de non professionnel, mais une différence entre des doctorats classiques et des doctorats de ce type, puisque les deux permettrait d'accéder à un même titre et que c'est uniquement ce titre évidemment qui est affiché sur ce qui est mis en circulation sur le marché du travail pour répondre à des offres le cas échéant sur les différents marchés du travail, c'est le titre de docteur. Donc on a d'un côté les principes un peu canoniques du diplôme de doctorat, qui sont les critères de validité scientifique, durée, méthodologie essentiellement, avec l'enjeu qui consiste à être attaché à une communauté scientifique, et c'est elle, dans ce cas-là, qui nous juge et qui délivre le diplôme. Donc, pas le marché du travail dans le secteur privé, mais une communauté particulière, c'est un autre marché du travail. Donc, je ne veux pas non plus, je suis pas là non plus pour, je glorifie pas et je sanctuarise pas non plus hein, absolument le marché du travail académique, mais en tout cas, c'est des principes particuliers qui en sous-tendent le fonctionnement. Et face à ça, des doctorats professionnels qui se réalisent en 2 ans sur la base d'un travail proche d'un mémoire de master, en fait, à dimension réflexive sur l'activité effectuée par l'individu qui est toujours en poste et qui effectuerait à côté de son travail à plein temps, parce qu'il n'est pas prévu d'être en mi-temps, à côté de son travail à plein temps, il effectuerait de temps en temps quelques notes avec une personne qui l'encadre, qui lui permet, via ce mémoire réflexif, d'accéder au titre de docteur. Donc, il pose des menaces en termes de contenu évidemment du doctorat, puisque de facto il s'agit de renoncer à un enjeu fondamental du doctorat qui est la diffusion de savoir. Ici on est dans une perspective qui est l'obtention d'un titre plus que la mise en place d'un parcours de production et de diffusion de savoir dans la société. Évidemment la logique étant de dire mais du coup ces personnes la payent. Donc elles n'ont pas en échange à être dans une situation de devoir quoi que ce soit à des contribuables. Ce qui est un argument classique pour le doctorat, c'est-à-dire qu'on est payé par les contribuables, du coup on leur doit une production de savoir. Ici la logique est justement de trancher ce lien pour avoir des doctorants qui ne doivent rien à la collectivité, qui devraient donc accomplir en 2 ans un travail qui permettrait d'avoir le même titre qu'un travail accompli en 3, 4, 5, 6 ans. Ce qui est par ailleurs assez inquiétant de présumer, comme les promoteurs de ce type de projet, que les hauts fonctionnaires ne sont pas capables en fait, d'accomplir une thèse. Nous, on pense qu'ils sont tout à fait capables d'accomplir une thèse très classique selon ces critères-là. Et donc, quelque part, nous, on est pour valoriser les personnes qui sont hauts fonctionnaires ou cadres d'entreprise en trouvant des manières pour eux de réussir à soutenir des thèses d'une exigence académique très classique. Mais derrière la question du contenu, ça pose la question des trajectoires concrètes des doctorants sur le marché du travail. Déjà, avec une menace assez clair, pour prendre des exemples, il y a des chaires, je pense par exemple de Sciences Po que je connais le mieux, mais des chaires type santé ou la chaire dite sécurisation des parcours professionnels, dans lesquelles il y a énormément de hauts fonctionnaires, d'anciens politiques ou autres professionnels qui naviguent, qui circulent, qui interviennent dans ces milieux-là, qui écrivent des articles dans des revues un peu intermédiaires ou différents rapports d'évaluation, donc qui produisent des documents qui sont utilisés dans des cadres académiques. Et s'il leur était donné de pouvoir valider une expérience en doctorat, je crois qu'il en serait assez vite terminé pour nous dans certains domaines, avec la possibilité de dire adieu à quelques types de financements, à certaines publications, et certaines revues prendraient assez vite le pouvoir dans certains domaines, certains champs, en s'appuyant sur des chaires ou des personnes comme celle-ci, donc pour exercer déjà un pouvoir très fort sans avoir un titre particulier qui permettrait derrière de mettre la main sur des ressources propres des personnels universitaires dans ces milieux un petit peu mixtes. Et cette formation, donc j'expliquais, elle est présentée par beaucoup de ses promoteurs comme égale du point de vue de la qualité académique à celle d'un doctorat. Paris Dauphine explique que the EDBA thesis is equal to a PhD as regards rigor, effort, contribution to knowledge, supervision and knowledge assessment. Et en s'appuyant sur le US Department of Education, en expliquant que le degré EDBA est équivalent, ils disent pas égal, ils disent équivalent entre guillemets. Du coup, c'est pas trop ce que veut dire quelque chose qui est équivalent entre guillemets, mais c'est équivalent entre guillemets à un PhD. Voilà. Donc, on a un diplôme qui est équivalent entre guillemets à un PhD. Voilà. Bon, on cherche toujours à peu près à saisir le principe de commensurabilité de l'égalité entre guillemets, mais c'est une négation ici en fait des modalités d'acquisition et d'évaluation des compétences propres qui fondent le doctorat, des négations en termes temporels hein, et en termes de contenu méthodologique. Dans le même esprit, l'emploi des termes thesis et doctorate qui sont employés, hein, jamais ils emploient le terme de doctorat dans ces parcours intégrés. Ces thesis et doctorate, bon, qui nourrissent une ambiguïté évidemment qui est voulue et qui peut être que défavorable à notre avis au doctorat, clairement employés pour maintenir une confusion auprès d'employeurs sur le titre obtenu. Pouvoir se situer à mi-chemin entre une communauté universitaire et un marché du travail privé. Les practical thesis auxquels il est fait référence très souvent dans ses parcours intégrés à Dauphine notamment, sont dans le monde anglo-saxon clairement différenciés pour les employeurs des PhD. Il s'agit de choses différentes sur lesquelles on joue ici, sur le fait que ces conventions-là n'ont pas cours, elles ne sont pas maîtrisées. Et ça cantonne du coup les docteurs entre guillemets non professionnels au marché du travail académique, allant du coup dans le sens inverse des politiques de professionnalisation, puisque pour nous l'enjeu c'est de permettre aux personnes qui ont un doctorat de travailler sur le marché du travail non académique si elles le souhaitent, si elles ont une opportunité, si elles veulent s'y orienter, et pas à l'inverse du coup d'avoir un deuxième doctorat qui serait réservé au marché du travail privé versus un doctorat qui serait le marché du travail académique. Et du coup ici la séparation, la segmentation qui est effectuée par la mise en œuvre de ce type de diplôme, donc comme je disais, qui nous apprend du coup qu'un enseignant-chercheur n'est pas professionnel par rapport à un doctorant professionnel. Donc c'est l'affaire à notre avis de à peu près tous les doctorants, puisque ça dévalorise et ça segmente le type de diplôme qui est obtenu, et ça fait évidemment une pression à la baisse sur les durées des doctorats, puisqu'il y aura d'un côté des gens qui sont docteurs en 2 ans de travail réflexif versus des individus qui seraient docteurs en 3, 4, 5 ans. Ce qui du coup bon, peut attirer des gens ou bien qui veulent absolument faire cette thèse classique, ou bien qui aiment la difficulté, ou bien qui ont des tendances un petit peu masochistes, qui du coup est un public assez limité, et nous on estime que c'est pas le public auquel doit se restreindre l'accès au doctorat, et que maintenir la concurrence ouverte entre des individus qui consacrent 2 ans et des individus qui consacrent 3, 4, 5, 6 ans, c'est à la défaveur de ceux qui consacrent 3, 4, 5, 6 ans, à moins d'avoir des contrats doctoraux qui suivent, mais évidemment le contrat doctoral étant de 3 ans, on a bien cette difficulté par ailleurs à devoir derrière trouver des emplois précaires pour atteindre la fin de la thèse. Les conséquences quant à elles financières, c'est le dernier point sur lequel je vais conclure. Bon, c'est évidemment les tarifs moyens autour de 25 000 euros. Sélection par l'argent, on n'a pas besoin de revenir dessus, je pense qu'il est assez clair qu'à 25 000 euros, c'est un public très particulier qui postulera dans ce type de doctorat. Mais même si apparemment il y a des universités qui veulent le faire et en échange mettre en place des prêts, évidemment. Donc on imagine bien le prêt à 2% sur 25 000 euros, devoir rembourser derrière, ça va sans doute ouvrir à plein les vannes de l'égalitarisme universitaire. Non, on n'y croit pas trop. Donc on est dans un principe de vénalité des titres hein, qui va tourner à plein régime. Multiplier les offres de doctorat au rabais scientifique, ça consiste, c'est aussi un outil pour répondre à des disettes budgétaires. Du coup, à partir du moment où on crée un moyen de lever 25 000 euros en échange de quelques heures d'encadrement semestriel, ça devient quand même très rentable. C'est quand même un outil de levée de fonds qui est très économique. Il suffit de faire 3 rendez-vous de 2 heures dans un semestre et derrière on touche 25 000 euros sur 2 ans. C'est quand même, pour des facultés, ça permet quand même de répondre à des trous budgétaires. Et finalement, c'est pour nous ce type de doctorat, c'est avant tout le fruit des réformes budgétaires contemporaines. Certaines universités, celles notamment qui sont les plus saignées à blanc, se dirigent vers ce type de financement en disant que du coup c'est une possibilité pour elles, en toute bonne foi, enfin en étant d'accord en fait avec nous sur le principe, c'est-à-dire que beaucoup de collègues ou de gens dans l'administration savent très bien que évidemment ça dévalorise, évidemment que ce n'est pas les mêmes enjeux scientifiques, mais l'enjeu n'est pas là pour eux, l'enjeu est de lever des fonds en disant que du coup ils pourront, derrière, on tombe sur un cercle vicieux, on va lever des fonds par ce biais-là et pour du coup derrière pouvoir faire des majorations de bourse, pouvoir du coup ouvrir d'autres programmes qui sont ouverts à tout le monde. Donc. Et on arrive sur une logique qui est une logique qu'on connaît bien à Sciences Po, qui est celle d'avoir la nécessité de, entre guillemets, quotas de riches pour mener des politiques sociales. C'est-à-dire subordonner la politique sociale au fait d'avoir des quotas de riches qui payent des frais d'inscription, parce que du coup, pour une personne qui paye les frais maximaux, on peut afficher 3 boursiers à côté, ce qui évidemment veut dire dans le sens inverse que le jour où il y a moins de personnes fortunées qui rentrent dans l'établissement, bah du coup, on va bloquer évidemment les accessions en bourse ou devoir ouvrir encore plus de master ou de doctorat de ce type avec ce montant financier énorme. Donc, ça transfère la stabilité budgétaire d'établissement vers leurs clients, parce que pour le coup, on a une logique de clientèle hein, pure et simple. Dont on voit, bon, je vais juste prendre peut-être 4 points de ce que ça a entraîné à l'IEP de Paris, ce type d'orientation, notamment le fait qu'en une dizaine d'années, on est passé d'un financement public qui était environ 60% à maintenant, on est un peu moins de 40% de financement public, donc une fragilisation des dotations budgétaires qui reposent avant tout sur le mécénat et les frais d'inscription des étudiants. Donc ça a entraîné bien sûr le fait que les diplômes extrêmement chers sont ouverts, je pense notamment au master en 1 an, Là, le dernier qui vient de s'ouvrir, c'est sur les tribunaux d'arbitrage privé, notamment. Ça coûte aussi 26 000 euros l'entrée dans le master en un an. Donc là, pour le coup, c'est 26 000 euros l'année. Donc on multiplie, mais bon, il y a aussi à vocation sociale, il y a aussi un à 24 000 euros à l'année sur inégalité sociale et rapport de genre. On met de rattraper à destination de DRH, de grandes transnationales qui du coup feraient de l'inclusif, un travail très inclusif, etc. Apprendre à utiliser les prénoms d'usage pour les personnes transsexuelles, etc. Non, il y a des contenus très intéressants, mais qui du coup sont restreints à évidemment une toute petite minorité de RH, et puis derrière des étudiants qui nous envoient des mails quand on les a en disant mais moi j'ai payé 24 000 euros donc me taper un 9 sur 20 quand même. Voilà. on vient de mettre des mails comme ça évidemment d'étudiants qui, enfin étudiants, ils ont 40 ans, ils sont professionnels, voilà, ils ont payé 24 000 euros ou alors ils ont claqué un compte DIF depuis 10 ans. Et il est évident que du coup le rapport qu'ils ont avec le contenu de l'enseignement et la validation est un rapport qui n'est pas un rapport classique d'un étudiant. Mais bon, c'est tout à fait compréhensible. Ça rend impossible de se spécialiser dans des disciplines qui attireraient des étudiants issus uniquement de classes populaires. Évidemment, il faut que les masters attirent des gens qui veulent payer les frais d'inscription au maximum. Alors, je rappelle qu'à Sciences Po, on est à maintenant... Combien on est? Je sais plus, on est à 18 000, je crois, euros maximum en master. Ah bon, en tout cas, on est sur des montants très élevés, et également des montants à 5 chiffres de frais d'inscription annuels, le cas échéant. Donc... Promotion du mécénat, évidemment. Le mécénat, on sait que ça fluctue. On l'a vu au moment de la crise financière en 2008. Hein, le mécénat, tout d'un coup, s'est effondré drastiquement. Donc, ça veut dire avoir des universités qui fonctionnent sur les mini-cycles Kondratiev économiques, des universités qui, une année, font des avances de trésorerie pour compenser la crise l'année suivante. Bon, évidemment, c'est pas très sérieux en termes d'appui budgétaire. Et je vais m'arrêter là-dessus. Non, je pense que j'ai dépassé 25 minutes, non? Bon, c'est pas bon, d'accord, bon. Et donc du coup, bon, c'est par rapport à tous ces enjeux-là qu'on a réussi à l'époque, en lisant tout ça, à se mobiliser. Bon, d'abord, c'est parti, on va dire, du CSO. C'est parti d'un des labos de sociologie. Pas parce qu'on aurait plus de conviction ou de lucidité que les autres collègues. C'est juste qu'on avait des gens du CSO qui étaient élus dans les endroits où ça s'est discuté. Donc c'est pour ça qu'on a su avant mes autres collègues. Donc du coup, ça a démarré à ce niveau-là. On a prévenu à peu près tout le monde. On a beaucoup hésité au début, savoir ce qu'il fallait faire. On en a parlé à nos collègues, maîtres de conf, professeurs d'université, qui ont tous dit qu'ils étaient d'accord. Point. Bon, donc du coup, on a dû se débrouiller pour trouver un moyen d'être un peu plus offensif et d'agir. Ce en quoi on a eu des rendez-vous avec l'école doctorale qui nous expliquait qu'ils étaient extrêmement peinés, désolés que notre rapport de confiance soit brisé. Nous allions les voir en accusant tout de suite de vouloir faire ce genre de choses. Donc on leur a dit est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ils ont dit mais c'est ni l'un ni l'autre. Bon, d'accord. C'est ni vrai ni pas vrai, que ça allait se faire ou pas se faire. Donc on ne savait pas. Du coup, on s'est dit que le seul moyen de mettre un petit coup de pression, c'était de faire un peu, vous savez, ce qu'on appelle l'effet Dracula, c'est-à-dire qu'on mettait quelque chose en pleine lumière, ça disparaît. Donc sur Sciences Po, ça marche très bien ce genre de choses. C'est-à-dire, donc, on a fait une tribune d'Henri 89, qu'on a fait signer par des doctorants d'à peu près tous les laboratoires, sauf un laboratoire qui a fait pression sur ces deux doctorantes qui voulaient signer en leur disant que leur contrat CIF ne serait pas renégocié. Du coup, il y a eu des rapports de pouvoir assez forts qui ont été mis sur la table à ce moment-là. Donc presque tous les labos ont eu des doctorants qui ont signé. On a fait donc un grand texte qui expliquait pourquoi sur le fond on était hostile, reprenant la plupart des arguments que j'ai pu citer ici, pourquoi on était hostile à ce type de diplôme, ce qui en 48 heures a généré une profusion d'appels issus du monde médiatique, puisque la Google Alert Sciences Po marche très très bien, pour plus bon parce que ça joue, parce que c'est important, parce qu'il y a toujours un contact presse très fort, parce que beaucoup de ces gens-là ont leurs enfants scolarisés dedans. Donc du coup, il y a plein de raisons qui font que, évidemment, le mot-clé Sciences Po génère de la réaction de la part de certaines salles de presse. Donc ils ont tout de suite réagi, en commençant à envoyer des invitations à la radio ou des interviews, ce qui du coup a conduit Sciences Po en à peu près, je crois, 4h30, très exactement après la sortie de la tribune, à dire « mais non, c'est mal compris ». D'accord. Ou « c'est mal compris ». Bon, par contre, si ça vous intéresse, hein, c'est... L'interview du 1er octobre 2014 est toujours en ligne, du Nouvel Économiste, mais bon, ouais. À part ça, on s'est mal compris. Donc voilà, en disant que c'était marqué noir sur blanc, mais il ne fallait pas le comprendre comme ça. Donc voilà. Bref, le fait est qu'ils ont donc reculé ils ont reculé immédiatement. On reste évidemment toujours vigilant, puisque l'enjeu n'a pas été de dire on s'est trompé, la question était de dire mais non, on ne veut pas le faire là. Donc je pense que le projet est toujours en gestation. Enfin, en gestation, en tout cas, le jour où il n'y aura plus de master en un an à 24 000 euros à inventer, ça reste une logique de levée de fonds assez classique pour une grande école, enfin, entre la grande école et la business school, puisqu'elle prend un peu des codes qui viennent des deux, avec la fondation de droit privé qui gère l'argent, etc. Bon, il y a des rapports de la Cour des comptes là-dessus hein, qui font un peu le point. C'est des choses très, très complexes comme type de montage financier, où parfois même les gens qui ont les mains dedans se perdent, c'est dire à quel point c'est complexe. Donc, je pense que, en revanche, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, un, on a une offensive très forte pour la mise en place de ce type de doctorat dans plusieurs types d'institutions, notamment celles qui s'en manquent d'argent ou celles qui veulent, au contraire, préempter, comme Sampo, qui veulent préempter la donne en étant un des pourvoyeurs numéro un de titres de ce genre de diplôme. Les établissements qui sont en concurrence avec Paris Dauphine, donc Sciences Po aussi, parce que ceux qui sont en concurrence dans les mêmes segments, qui en général se positionnent sur les mêmes choses pour en estimant qu'il y a une demande plus forte que l'offre universitaire qui existe. En revanche, je pense que ça ne doit pas, surtout pas se franchir d'une vraie réflexion qui n'a pas lieu sur les conditions d'accès au doctorat, même si en général la réflexion est menée dans le sens inverse, c'est-à-dire comment les doctorants peuvent circuler, avoir une trajectoire éventuelle ultérieure sur le marché du travail privé. Je pense qu'on n'a pas souvent la réflexion inverse, mais qui en fait se tient parce que les catégories de commensurabilité des diplômes et des valeurs finalement jouent dans les deux sens, qui sont comment quelqu'un qui a une activité sur le marché du travail privé peut derrière éventuellement avoir un doctorat, enfin soutenir un doctorat, rentrer dans ce type de parcours, ce qui n'existe pas. Il n'y a pas de statut spécifique, comme il y a des congés pour différents types de situations dans la vie. Il n'y a pas de congé doctoral, par exemple. C'est pas une logique qui permettrait de mettre en... de réarticuler le temps de travail et de le mettre en cohérence avec ce type d'exigence. Mais bon, c'est les mêmes, de toute façon, c'est la même logique qui joue dans les deux sens. Pas non plus, je pense avoir une vision trop corporatiste qui serait de vouloir défendre le doctorat contre les gens de l'extérieur. Voilà, c'est vraiment pas ça du tout la perspective qu'on a. Celle qu'on a, c'est au contraire de vouloir élargir le doctorat tel qu'il existe actuellement dans son contenu et dans ses méthodologies, en le faisant reconnaître sur le marché du travail privé pour du coup générer un attrait et des flux aller-retour sur le marché du travail privé, le marché du travail académique éventuellement. Sachant qu'il y avait eu des tentatives de reconnaissance dans le doctorat en 2013-2014, avec notamment les débats au moment de faire une filière à l'ENA, qui aurait été une filière recherche. Finalement, je crois que ça n'a pas été abandonné. Voilà. Donc il y a des pressions inverses, c'est-à-dire il y a des pressions des hauts fonctionnaires pour ne pas rompre le front des hauts fonctionnaires et ne pas accueillir en leur sein des gens en doctorat, mais inversement, qui exigent d'avoir des diplômes de ce type-là, qui soient fait tailler sur mesure pour qu'eux puissent avoir accès au cadre doctoral sans quitter le marché du travail à eux. Donc je pense que c'est deux problématiques à tenir d'un même point et essayer de lier les deux en faisant les passerelles, en réfléchissant ces passerelles. Merci. Merci beaucoup. Tu peux me exposer. Et est-ce que vous avez utilisé cette recherche pour votre propre thèse? Vous avez fait une thèse d'autre chose ou pas du tout? Moi, je suis en thèse, je suis élu de doctorat à Sciences Po, et donc je fais partie des mauvais esprits, comme disait tout à l'heure l'expression, des mauvais esprits qui ont concouru à stopper l'apparition de ce doctorat à Sciences Po. Mais c'est déjà l'objet de votre thèse? Pas du tout, moi je travaille sur la manière dont les chômeurs en France et en Allemagne sont orientés vers le temps partiel. On peut en parler aussi, mais c'est un peu décalé. Non, je travaille sur les politiques sociales et d'emploi en France et en Allemagne. C'est la sociologie du budget. Donc non, là, c'est pour ça que je disais au début que c'est des registres un peu particuliers, parce que j'interviens, entre guillemets, comme acteur d'un mouvement social, c'est de le qualifier de manière un peu académique, mais bon, bah, du coup, un mouvement social qui traite du statut des doctorants. Vous vouliez intervenir ? Ouais, enfin, déjà une question un peu technique, c'est-à-dire que c'est près d'inscription vérifique de 24 juni, 23, 21, etc. Est-ce que c'est parce que ça passe sous le titre de la formation permanente ou est-ce que c'est vraiment hors... parce que là, on est sur un type de formation qui pourrait, enfin, puisque ça recrute des gens qui restent dans le cadre de leur emploi, etc., ça pourrait tout à fait être éligible à la formation permanente. Et donc expliquer si c'est justifié ces coûts de formation. Mais est-ce que c'est le cas ou pas? Je comprends pas, oui. je ne veux pas vous faire mentir trop. Non, normalement, c'était pas. Enfin, à Dauphine, je ne sais pas si ça l'est. Il me semble pas. Dans les écoles de commerce, en tout cas, je sais que ça ne l'est pas. Il me semble des écoles de commerce qui l'ont. À Dauphine, je ne sais pas. C'est une information permanente. À Sciences Po, ça ne devait pas y être inclus. Bah, sauf que vous avez dit tout à l'heure, c'est sur le DIF. Mais ça dépend des endroits. Ça, je dis. On peut les utiliser pour les masters en un an. Je pense que par exemple, des frais mirifiques à Sciences Po pour les masters en un an, où là, des gens utilisent leur compte DIF. Mais pour ce projet-là, c'était en dehors des formations permanentes. Donc ça n'épousait pas justement ces formations parallèles que fait Sciences Po, type master en un an, où là, ça rentre dans ce cadre-là, et là, effectivement, c'est les comptes de formation qui sont utilisés. Parce que peut-être pour expliquer ma question, je pense qu'une des choses qui. Un des amalgames qui est important de ne pas faire, c'est. On vend de la formation, confondre ce qui relève du coût d'une formation qui appartient à la formation permanente et qui donc doit être financée par les fonds de formation permanente, qui s'effondrent, qui se cassent la gueule et qui n'échappent pas aux soucis généraux, et puis les modes d'accès et, le glissement en fait sur la nature du doctorat. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a la question du coût de la formation et puis il y a la question de. Qu'entend-on par scientificité finalement? Et là, ce qu'on voit bien, c'est que derrière le terme de doctorat professionnel, il y a quelque chose qui ne relève en rien, disons, de des règles de ce que nous considérons comme étant scientifique. Donc, il me semble que c'est plutôt cette articulation qui est problématique que une territorialisation à côté académique et côté professionnel, qui est, à mon avis, vraiment. Improductif, c'est-à-dire que je pense que ce qu'on défend dans l'académie, dans l'académisme, c'est pas un territoire, c'est un certain type de façon de penser, de façon de travailler. Il me semble que voilà, j'avais l'impression qu'il y avait un peu de difficulté à pas de votre part, hein, mais je pense que justement tous les glissements réglementaires qui nous arrivent depuis un moment et managériaux amène en fait à opacifier les enjeux qui sont des enjeux de pensée critique, qui sont des enjeux de pensée scientifique et qui ne doivent pas se confondre avec la question des modes d'accès finalement. On pourrait imaginer un doctorat réservé aux professionnels dans un cadre de formation permanente, peut-être même en 2 ans, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, qui répondent réellement à des critères scientifiques. Alors là, ce que l'exemple que vous nous avez montré montre qu'en effet, ce n'est pas du tout le cas. De toute façon, oui, moi je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que ce qu'on a toujours dit tout au long de cette controverse, c'est qu'on souhaitait qu'il y ait une réflexion sur l'accès au doctorat. Voilà, les personnes qui travaillent en privé, je pense que c'est ça en fait la priorité et c'est. Un enjeu tout à fait important. Ensuite, il y a quand même des allers-retours, en tout cas dans un établissement, je pense plus dans un établissement comme l'UP de Paris que dans des facultés, des universités. Il y a un aller-retour entre les questions de prix et les questions de scientificité, très fort, puisque quand on a, on arrive à des budgets qui sont un peu friables et qui dépendent beaucoup des anticipations de personnes qui s'inscrivent et du coup nécessitent derrière d'avoir tout un département de publicité pour obtenir des personnes qui vont répondre aux places dans les formations. Enfin voilà, on a ces difficultés-là. Ce ne sont pas celles, par exemple, comme à l'ECNAM. Le CNAM travaille sur la formation continue, mais avec des manières de sanctuariser sur des contrats beaucoup plus longs, avec des masters. Déjà, je ne crois pas qu'il fasse des masters en un an. Je ne sais pas s'il a des masters en un an aussi. Enfin bon, en tout cas, il travaille dans des canons LMD. On peut discuter aussi par ailleurs, mais en tout cas, il s'inscrit dans le canon LMD pour permettre à des gens qui ont une activité professionnelle de rentrer dans ce canon-là et pas créer des nouveaux types de diplômes qui opèrent une confusion et en même temps ne permettent ni de valoriser forcément les gens qui y ont accès et dévalorisent ceux qui y ont eu accès par d'autres voies. C'est pour ça que les deux. Juste par rapport à ce que vous avez dit tous les deux, ce qui est aussi paradoxal, c'est qu'au nom de la professionnalisation, on réduit la durée des thèses, notamment en sciences humaines. Et on ne tient absolument pas compte du statut de l'étudiant en doctorat, parce qu'il y a des gens qui sont salariés, et bien entendu, ils vont aller moins vite que les gens qui sont financés uniquement pour faire leur thèse. Mais ça, il n'en est pas tenu compte. Donc il y a une fermeture de fait de plus en plus forte par rapport à d'autres profils que les profils d'étudiants classiques. Voilà, les gens qui sont parfois, qui ont même d'ailleurs parfois un terrain. très intéressant dans leur cadre professionnel, mais c'est très difficile de l'analyser en termes de production de connaissances. De le valoriser. Et puis ces durées sont vraiment très contraignantes. Enfin, je veux dire, même pour, si je prends l'exemple de, enfin, je peux parler au prêche pour ma chapelle, j'étais enseignant dans le second degré, ben, je faisais une thèse en même temps, forcément ma thèse elle était longue, mais elle est, enfin, maintenant ça passerait plus. Parce que c'est 5 ans maximum, mais avec une pression dès la fin de la troisième année. Et c'est quand même ce, ce paradoxe. Alors ça alimente aussi le doctorat professionnel, enfin, c'est le projet, où on va le voir tout à l'heure, le doctorat en VAE. Mais juste un point, c'est qu'on voit beaucoup, notamment à l'école des études, c'est qu'il y a un réservoir d'étudiants dans un séminaire qui va finalement s'inscrire à l'école de l'école quand la thèse est déjà à peu près un bout. Et donc on inscrit, c'était pas raté, quoi, en fait, finalement. C'est assez. Enfin, vu qu'il y a énormément d'étudiants et qu'il y a enfin, un rapport entre l'offre, je suis désolée de parler comme ça, mais il y a un petit peu cette question-là d'un nombre limité d'enseignants pour m'inscrire et un nombre énorme d'étudiants. Donc il y a une sélection de fait qui se fait sur des thèses déjà un petit peu en route. Des gens qui fréquentent un séminaire, qui sont d'accord sur un sujet avec un directeur, qui leur disent je ne peux pas vous inscrire maintenant parce que c'est déjà trop d'étudiants. Et donc c'est tout à fait au même temps, je ne les critique pas, mais enfin je constate que, enfin, il me semble que c'est une question de nombre. Alors je pense qu'il y a aussi une question de valorisation et qu'est-ce qu'on attend de la valeur de sa démarche et de son diplôme. Et je me suis dit en vous écoutant qu'il y avait peut-être, on va dire, deux groupes d'usagers. De Sciences Po, les gens qui rentrent dans un cursus après le bac, etc., et les gens qui viennent se parachuter, quitte à payer 25 000 euros dans l'année, en espérant que ce diplôme puisse avoir une valeur monnayable, compris en termes de salaire. Il me semble qu'il y a toujours eu ça un petit peu à Sciences Po avec les formations permanentes qui ont souvent été assez chères et avec cette image de quelque chose de qualité. Et donc ce que vous racontez là en même temps va dans la continuité de quelque chose qui existait déjà avec les formations permanentes. Je ne sais pas comment perçoivent on va dire le renforcement de ce genre de procédé par rapport aux étudiants qui sont là après le bac, etc. Peut-être qu'ils ont l'impression de brader la marque Sciences Po en même temps. Enfin, je pense que tout est une question de une sorte de bagarre entre qu'est-ce qu'on cherche à valoriser, quoi. Et là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de mutation où il y a des gens qui cherchent à sauvegarder la valeur de leur diplôme de la marque Sciences Po, mais il y en a d'autres qui voudraient aussi cette marque-là, mais par une autre entrée, une autre durée et un autre objectif. Parce qu'en fait, quand on finit sa thèse avec un peu de chance, ça veut dire qu'on commence à présenter son champ de travail. Donc on commence, c'est déjà qu'à la fin d'une thèse, si quelqu'un a l'impression de commencer, il a bien de la chance. S'il a l'impression d'avoir fini et qu'il ne produit plus de connaissances de partir de là parce qu'il a un diplôme qui a de la valeur et quoi qu'il fasse, voilà. Enfin, ce n'est pas le même genre d'objectif dans les parcours, quoi, et de valeur accordée à ces marqueurs de fin d'études ou voilà. Même d'entrée, d'ailleurs. D'entrée ou de fin de parcours. Voilà. Je pense qu'il y a, enfin, il y a beaucoup de ce que vous dites. Ensuite, bon, je crois même qu'on peut voir plus que deux types de profils qui vont à Sciences Po, parce qu'il y a, même dans les post-bac, enfin, on voit bien que ceux qui finissent en master de recherche en sociologie, où on est 6 dans le master, ne sont pas les mêmes profils que ceux qui finissent dans le master finance et stratégie ou affaires internationales, enfin, Il y a quand même une pluralité aussi d'orientation dedans, et c'est quand même assez peu nombreux finalement les gens qui sont entre guillemets, je vais prendre l'expression parachutés, même si bon. On discutait c'est un parachutage, mais en tout cas ceux qui ont déboursé ce qu'il fallait pour accéder effectivement à un diplôme. Ensuite, bon, il y a des controverses autour de la valeur des diplômes, mais qui sont des controverses assez classiques entre les. Entre un peu, il y a un peu les malthusiens du diplôme qui pensent que voilà, moins il y a de gens qui ont un diplôme, plus le diplôme a de la valeur. C'est de loi de l'offre et de la demande démographique du diplôme versus ceux qui voient dans le diplôme une croyance en un contenu et qui estiment que l'essentiel c'est que les gens croient qu'il y a un contenu de qualité pour que le diplôme ait de la valeur. Bon, ça c'est les vieux débats qui agitent les syndicats étudiants à chaque élection universitaire à Sciences Po. Donc c'est plus autour de ça en fait que se posent les débats en interne. Sur la question de la valeur, c'est un peu le diplôme malthusien versus ce diplôme comme croyance de contenu. Mmh. Et du coup, ces gens-là jouent pas un grand rôle en fait sur le diplôme de Sciences Po, parce que la plupart des étudiants ne savent même pas qu'il y a la formation permanente. En fait. Enfin, la plupart des étudiants de licence master ne savent pas. Enfin, en tout cas, moi je ne savais pas à l'époque. Il n'y avait pas grand monde qui savait qu'il y avait la formation permanente. Ouais, peut-être profiter pour continuer. Alors justement, si jamais je suis licencié, je pense que je pourrais me recycler comme conseiller en orientation professionnelle et carriérologie et proposer, donc, compte tenu du fait que le doctorat professionnel n'a pas été mis en place à Sciences Po, de faire un doctorat par VAE. Et voilà, une façon d'introduire le sujet. Alors, ça, on en a parlé du doctorat en VAE à l'occasion de l'arrêté doctoral de mai dernier, où un certain nombre de gens ont découvert ce qu'était la VAE et se sont écriés, mais voilà, accompagnant ce décret, cet arrêté pardon, sur le nouveau doctorat, on introduit le doctorat en VAE. Et les partisans de la VAE ont fait valoir à raison que, depuis 2002, on pouvait obtenir le doctorat par VAE. C'est vrai, mais il s'est passé quelque chose en 2014, j'y reviendrai, qui d'ailleurs explique un petit peu toutes ces initiatives. Doctorat professionnel, c'est la même période. Et puis, la généralisation des dispositifs de professionnalisation doctorat, c'est un peu la même période. Et puis, on aboutit à l'arrêté de mai dernier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la validation des acquis d'expérience donc, a été instituée par la loi de modernisation sociale en 2002. Et elle a été justifiée, moi j'ai travaillé sur les débats parlementaires, par rapport à une cible, les personnes sans diplôme, et en particulier les femmes, comme si les femmes étaient moins diplômées que les hommes, qui, parce qu'ils ne détenaient pas de titre scolaire, étaient exclus du marché du travail ou faisaient partie de la première charrette de licenciement, quand licenciement il y avait. Il s'agissait de donner un diplôme à ces personnes pour leur faciliter leur insertion ou leur maintien sur le marché du travail. Avec un discours contradictoire, c'est-à-dire que là, on met l'accent sur le fait que le diplôme est une condition d'insertion, et en même temps, les promoteurs de la VAE tenaient un discours très anti-diplôme en disant, en fait, maintenant, ce qui compte dans les entreprises, ce n'est pas le diplôme, c'est la compétence. Parce que ça apparaît au même moment où le MEDEF adopte en 1998 l'approche en termes de compétences et ne jure que par les compétences. Et au cours des débats parlementaires, enfin très rapidement, on va généraliser la VAE à donc tous les diplômes professionnels, simplement les diplômes professionnels, y compris les diplômes de l'enseignement supérieur. Alors, il s'agit d'accorder un diplôme professionnel sur la base des expériences bénévoles, salariés, à titre d'indépendant, de volontariat, qui ont permis de développer des compétences professionnelles. Et donc, l'idée, c'est que le candidat va faire valoir les compétences acquises dans ses expériences et montrer l'adéquation entre ses compétences et les éléments du diplôme, donc mettre en équivalence un référentiel professionnel, un référentiel de métier, son métier, et le référentiel de formation et le référentiel de certification. On ouvre tous les diplômes de l'enseignement supérieur à la VAE, plutôt tous les diplômes nationaux de la licence au doctorat ou l'habilitation à diriger des recherches ont été ouverts à la VAE par les dispositions de la loi de modernisation sociale. ils ont été ouverts parce que tous, écoutez bien, ont été considérés comme professionnels. Pour une fois, la licence de philosophie, d'art plastique, master de lettres classiques ont été considérés comme professionnels par essence, parce qu'ils sont les derniers diplômes avant l'insertion sur le marché. Et donc là, l'argument des promoteurs de l'ABE, c'était de dire, comme c'est le dernier pas avant le marché du travail, c'est un diplôme professionnel. Donc c'est un paradoxe là aussi assez amusant de voir qu'à un moment donné, donc, tous les diplômes sont considérés comme professionnels. Alors tous les diplômes sont considérés comme professionnels, mais il y a une exclusion, et elle concerne le doctorat. C'est-à-dire que paradoxalement, le doctorat le plus professionnel qui soit, les doctorats les plus professionnels qui soient, c'est-à-dire ceux de médecine, dentaire, odontologie et pharmacie, ont été exclus du champ de la validation des acquis d'expérience. Alors qu'il y avait potentiellement toute une série de validations à effectuer, celle des médecins à titre étranger qui exercent dans les hôpitaux généraux, qui ont un diplôme de leur pays plus une expérience longue en France. Mais bien sûr, là, on a eu une coalition d'intérêts entre l'Ordre des médecins et l'État employeur dans la fonction publique hospitalière, parce qu'il aurait fallu, d'une part, donner un statut véritable à ces médecins dans les hôpitaux généraux qui font le travail, enfin dans tous les petits hôpitaux, et puis bien sûr, ils auraient été tentés de faire comme les autres, de visser leur plaque en ville, en même temps qu'ils exerçaient ou après avoir exercé à l'hôpital. Donc, pour des raisons de sécurité, on a exclu les diplômes les plus professionnels et pour lesquels la validation était la plus facile. Parce que c'est plus facile de valider effectivement un diplôme tel qu'un doctorat de médecine qu'une licence de philosophie. Enfin, c'est plus facile de trouver des compétences professionnelles équivalentes pour un doctorat de médecine que pour une licence de philosophie. Donc, oui. Oui, c'est assez. C'est pour cette raison aussi, mais le numerus clausus est une création récente, de 1971. C'est à partir du moment où les études de médecine se démocratisent un petit peu, où est-ce qu'il y a des enfants un peu moins héritiers, souvent plus compétents, qu'on va instaurer ce numerus clausus. C'est très intéressant en France, comment on... c'est une mesure qui n'est pas uniquement liée à parler de malthusianisme, c'est aussi visant à restreindre l'accès de certaines catégories sociales. Donc, dès 2002, on pouvait accéder à une thèse par VAE, mais simplement, il n'y avait pas de cas. Il n'y avait pas de cas, très, très peu. Un cas, je crois, un premier cas en 2005, mais très peu de cas. Je reviendrai sur les statistiques et la difficulté d'en avoir des restitutions. Et à partir de 2013-2014, et c'est ça qui est intéressant, le ministère de l'Enseignement supérieur... Vous savez, les universités sont autonomes, mais le ministère arrive quand même à faire passer des idées. Le ministère de l'Enseignement supérieur va enjoindre les universités à mettre en place des procédures permettant l'accès à la VAE doctorale. Le ministère, avec l'agence de modernisation et avec aussi la FCU, c'est-à-dire l'association des directeurs de formation continue universitaire. Donc, en fait, dans mon intervention ici, je vais revenir sur les procédures qui ont été mises en place, puis je m'interrogerai sur les raisons qui font que des candidats vont vers la VAE doctorale, le doctorat par VAE. Dans un troisième temps, je montrerai aussi, je parlais de révolution symbolique, qu'à travers ce dispositif qui concerne très peu de gens, 15 thèses par an, pour le moment, accordé par VAE, eh bien, on modifie l'économie des diplômes, et en fait, c'est une révolution symbolique au sens où on modifie les schèmes de perception de ce qu'est un doctorat. Et ça va dans le même sens que le doctorat professionnel. Alors, la procédure. Alors, les procédures, bon, elles ont été un peu cadrées par la formation continue universitaire, mais ce qu'il faut dire, c'est que il y a dans les services de formation continue universitaire des gens qui sont avant tout militants de la VAE. Et qui donc ont, depuis le départ, réinterprété les textes. Étaient très agacés par le fait que, par exemple, par rapport à la loi, le décret écrit par le Conseil d'État ne reprenait pas le vocabulaire qu'ils auraient voulu voir en toutes lettres, celui de la compétence, les juristes du Conseil d'État plutôt préféraient parler de savoir, savoir-faire, de connaissance, d'aptitude, plutôt que de compétences. Et de la même façon, dans les réinterprétations du texte, par exemple, il y a dans les dispositions légales sur la VAE l'idée qu'il y a une phase de recevabilité administrative. Est-ce que les gens ont bien une expérience en rapport avec le diplôme demandé? Est-ce qu'ils ont assez d'expérience, etc.? Mais il n'y avait pas toute cette question de la faisabilité pédagogique qu'ont introduit les services de formation continue universitaire. Parce que ça leur fait aussi de l'activité, il faut bien dire, pour les personnes qui y travaillent. De la même façon, en termes de réinterprétation des textes, il n'était pas dit, comme c'est maintenant pratiqué, comme c'est devenu la doxa, que lorsque la validation n'était que partielle, il fallait faire des prescriptions. Ça, cette idée d'une prescription après, ça, c'est une, ça a été, je veux dire, une interprétation de la FCU qui n'était pas dans les textes originels. Donc, il y a, de ce point de vue-là, toute une relecture et interprétation des textes qui est le fait de la formation continue universitaire, de ces militants qui militent pour la VAE, dans lesquels ils voient le moyen de faire face à toutes les... de sortir des impasses de la formation continue. Vous connaissez le travail de Dubar, mais aussi d'autres, de Philippe Fritsch, etc., qui ont montré que la formation continue n'avait pas joué le rôle de deuxième chance par rapport à la formation initiale. Donc, c'est l'idée qu'on a trouvé à travers de la VAE le moyen d'une nouvelle de seconde chance après la formation continue. Donc, les procédures qui vont être mises en place, elles varient un petit peu selon les établissements, mais en gros, un candidat à la VAE doctorale va se mettre en rapport avec un établissement. Il va y avoir donc une étude de recevabilité et de faisabilité pédagogique avec la participation à la fois de gens du service de formation continue universitaire et des enseignants référents. Puisque, et pour revenir un petit peu à ce que tu disais sur le doctorat professionnel, il ne faut pas, quand on paye, rater. Là, de la même façon, l'idée, c'est que l'objectif, c'est la validation intégrale. Il faut parvenir à la validation intégrale. Et la faisabilité pédagogique, elle va être le moyen d'assurer à la personne, même si ce n'est pas le jury, attention, parce que ça serait contraire à la loi, que sa démarche sera concluante, même si le jury est souverain. Voilà, il y a un petit peu cette idée. Donc, ensuite, il y a un examen par un jury, comme pour toutes les VAE, qui est composé d'enseignants-chercheurs et de professionnels, SIC dans la loi aussi, et dans le décret. Donc, c'est ça que je dis toujours, enseignants-chercheurs, on n'est pas des professionnels, puisque... voilà, on n'est pas désigné ainsi. Alors, un nombre qui va varier de professionnels selon les établissements, hein, visiblement dans ce que j'ai pu voir, mais il y a toujours une présence de professionnels. Et le candidat à la VAE doctorale va construire un dossier, et c'est ce dossier qui va servir de support à un entretien non public avec le jury qui lui décernera un doctorat de même valeur que le doctorat classique. Il n'y aura aucune mention du mode d'obtention par la VAE de ce doctorat sur le document remis. C'est le principe de la VAE. Il permet d'accéder à égale dignité à ses diplômes et titres professionnels. Il n'y a jamais de mention de l'obtention par la VAE de ce doctorat. Et ensuite, le dossier, parce que le droit de la VAE, là aussi, s'impose sur le droit du diplôme, il n'est pas communiqué, il ne va pas en bibliothèque, sauf, encore une fois, comme pour l'entretien, si le candidat accepte sa diffusion. Donc, si vous voulez, ce sont des procédures extrêmement dérogatoires quand on y réfléchit, par rapport au droit commun du doctorat, des procédures dérogatoires et bien sûr qui peuvent conduire à un certain nombre de dérives. Bon, je ne vais pas être méchant, mais il est un homme politique, par exemple, qui eut du mal à l'époque à conquérir son titre de légitimité. Certains mauvais esprits encore eurent la désobligeance de ressortir sa production, et c'est vrai que c'est désagréable. Donc là, le problème est réglé avec cette nouvelle procédure. Mais si vous voulez, c'est quand même assez impressionnant de voir cette évolution. Alors, quant au contenu du dossier, eh bien, pour partie, c'est la reprise de ce qu'on retrouve pour la VAE pour un CAP de coiffure ou pour un bac professionnel vente, c'est-à-dire une sorte de livret de compétences. Et là aussi, par rapport à ce que tu disais, là, le produit là, le nouveau chapitre, voilà, ça renvoie un peu cette même logique, c'est-à-dire que les candidats vont devoir montrer à partir de descriptions d'expérience les activités qu'ils effectuent et les compétences qu'ils y ont développées et comment ces compétences sont en rapport avec celles que l'on peut avoir pour un doctorat. Alors par exemple, ils vont regarder le référentiel pour le doctorat d'enseignants-chercheurs, de chercheurs CNRS, regarder les référentiels d'emploi, parce que maintenant il y a aussi des référentiels d'emploi et de compétences pour ces métiers, et essayer de voir dans ce qu'ils ont fait ce qui y correspond. Et à côté de ça, il y a un document alors, qui peut avoir une forme de thèse, qui peut ressembler à une thèse, qui peut être une thèse. Moi, j'ai vu le cas qu'on m'a donné hein, en sciences politiques. Le candidat fait une thèse, effectivement. Elle a toutes les apparences d'une thèse. Et je pense qu'il aurait pu passer par une autre voie, d'ailleurs. Mais rien n'est dit sur la forme. C'est au jury et puis aussi à l'université de déterminer la forme qu'elle peut avoir, mais il n'y a pas de règle. C'est un dossier, c'est ce qui est dit pour tous les VAE, quel que soit le diplôme, c'est un dossier qui peut avoir des formes différentes, mais il n'y a pas de prescription nette. Donc il peut y avoir des écarts considérables entre les attendus d'une thèse classique et les attendus d'une thèse par VAE, mais en même temps, la thèse par VAE est une thèse classique. C'est simplement la voie d'accès qui est transformée. Alors, je me suis interrogé, bien sûr, sur ce que ça représentait en termes statistiques, qui étaient les candidats, et puis quelles étaient leurs motivations. Alors, je disais à mon camarade tout à l'heure, en fait, j'ai travaillé depuis trop longtemps sur la VAE, et ce qui fait qu'on me googlise et... on me refuse un certain nombre d'accès aux données. C'est ce qui aussi explique avec Sylvain Laurent, on avait fait le travail sur le droit d'enquêter et les menaces sur l'enquête en sciences sociales. Par exemple, très, très concrètement, j'ai écrit à la formation continue universitaire pour savoir quelles étaient la procédure mise en place et s'il y avait des données statistiques. J'ai reçu 5 réponses à l'issue d'une relance et j'ai reçu aussi un petit message d'un collègue, directeur d'un service de formation continue universitaire, qui m'a dit, mais alors je pourrais vous le relire exactement, mais en substance, il dit, mais avant de vous donner quoi que ce soit en ce domaine, cher collègue, dans une période, entre parenthèses, récente publication du nouvel arrêté régissant la délivrance du diplôme national de doctorat, où fleurissent des prises de position à l'emporte-pièce, et les contre-vérités sur l'obtention du doctorat par la VAE, il me semblerait intéressant que vous nous expliquiez l'utilisation que vous envisagez de faire des informations recueillies. Donc, si vous voulez, avant de me donner des informations sur une procédure qui est une procédure publique, ou des données statistiques qui sont des données publiques, on me demande de montrer patte blanche, ou on veut voir ce que je vais produire, et je le vis assez mal, comme une remise en cause de mon rôle de recherche. Mais on en parlait avec Mathieu Elie, quand les sociologues ne cultivent pas la culture de l'excuse, ils désenchantent, et dans les deux cas, ils sont agaçants. Bon, en tout cas, si vous voulez, sur les données statistiques, même au niveau du ministère, j'en ai pas récupéré, mais par déduction, j'ai pu arriver au chiffre de 13 à 15 par an doctorat par VAE obtenu, parce que c'est 0,5%, du nombre des validations totales, donc j'ai retrouvé ça, ce qui est très peu, hein. Et par rapport au nombre de thèses obtenues, c'est encore moins, ça doit faire 0,1%, puisqu'il y a à peu près 16 000 thèses par an. Mais j'ai quand même pu réfléchir aux raisons au travers de plusieurs cas, dont celui qui m'a communiqué sa thèse, mais aussi il y avait un cas assez emblématique d'une thèse obtenue à Limoges par quelqu'un. Donc, et dans les deux cas, c'est des sciences humaines, mais j'ai aussi discuté avec des responsables de formation continue universitaire qui m'ont fait valoir aussi des arguments pour les thèses en sans dur. Donc, pourquoi une thèse en VAE ? Oui, pourquoi une thèse en VAE et pas une thèse sur travaux ? Puisqu'il existe depuis longtemps la thèse sur travaux. Et que précisément, si les gens ont fait des travaux de recherche, pourquoi ne valorisent-ils pas leur thèse sous cette forme ? Ça paraît simple, la disposition existe. Alors, ça ne tiendrait pas compte de la particularité de la trajectoire, des spécificités des productions. En même temps, la thèse sur travaux, elle est totalement libre. De grands noms ont fait des thèses sur travaux. Donc, on pourrait rentrer dans la postérité par cette voie. L'autre raison qu'on me dit, c'est un acte militant pour la VAE. Effectivement, on a ces militants de la VAE qui sont les premiers bénéficiaires de la VAE. J'avais remarqué, merci, hein, c'était super. J'avais remarqué quand il s'agissait de la VAE, des débuts de la VAE, pour les gens qui avaient obtenu les premiers les diplômes, ils étaient proches, par exemple, du ministère du Travail, proches des services universitaires, ils avaient été informés et ils étaient les premiers bénéficiaires. Et là, on a des gens qui sont aussi assez proches des dispositifs. Donc, par exemple, on a, je vais revenir, un certain nombre de professeurs associés. On a un certain nombre de gens qui sont proches de l'univers académique. Alors, bien sûr, ce qui est aussi évoqué, c'est la durée réduite de la thèse en VAE. Et oui, et qui permet de faire face, comme le disait Adrien, aux contraintes professionnelles ou familiales. Bon, en oubliant que les thésards classiques ont aussi des contraintes professionnelles et familiales. Voilà. Mais, alors, ce qu'on fait valoir du côté des sciences dures, c'est la préservation aussi d'un certain nombre de secrets industriels. Quand on est dans une entreprise, on ne peut pas révéler. C'est vrai. Mais il y avait déjà dans le doctorat classique la possibilité de ne pas faire une soutenance publique si jamais le cas se présente. Bon, moi je dirais que... il y a, de ce point de vue-là, il y a aussi la volonté de discrétion sur un certain nombre de documents fournis pour validation. J'attends de voir un petit peu l'évolution statistique et qui sera ainsi diplômé, mais on aura du mal à le savoir, puisque rien ne permet d'identifier les thèses par VAE. Il y a l'idée également que quand on est un adulte, et surtout quand on est responsable, un cadre supérieur, un cadre dirigeant, la soutenance d'un doctorat a quelque chose d'infantilisant. On ne peut pas accepter de se retrouver ainsi face à des examinateurs. Et donc c'est tout ce discours aussi qui explique que dans la forme de la conversation du jury avec les candidats, il y a des prescriptions de la FCU, formation continue universitaire, qui ne sont absolument pas dans la loi, du type, ça doit être sur le mode de la discussion entre des gens civils, il ne doit pas y avoir de questions de connaissance, il ne peut pas y avoir d'interrogations déstabilisantes. Il y a toute une idée que ça se doit être une discussion entre gens de bonne compagnie. En tout cas, la critique telle qu'elle est pratiquée dans le monde universitaire n'est pas adaptée à ce public-là et donc explique pourquoi cette voie est choisie. Bon. Il y a bien sûr, au travers de la thèse en VAE, une reconnaissance recherchée. Et c'est là que je pense aussi c'est important, c'est une reconnaissance académique valorisable dans l'univers académique. Et c'est le cas pour ces professeurs associés. J'en ai quand même plusieurs cas qui, à un moment donné, passent la thèse en VAE pour renforcer leur légitimité, et ils le disent, hein, dans les réseaux de recherche, par rapport à leurs collègues aussi. Voilà. La validation des acquis de l'expérience à un niveau doctoral renforcerait mon positionnement professionnel et viendrait étayer la mission qui m'est actuellement confiée de développer les activités de recherche de manière congruente avec standards internationaux et complémentaires par rapport aux acteurs universitaires. Cette reconnaissance académique conférée par le doctorat, en VAE donc plus rapidement, elle permet aussi de trouver de la légitimité dans d'autres univers. Alors notamment chez les consultants, j'ai des cas aussi de doctorat par VAE et qui devient consultant parce que la légitimité d'un titre, c'est la légitimité de l'expertise. Dans le travail social, Parce qu'il y a un certain nombre aussi de travailleurs sociaux qui passent par la VAE, donc d'abord parce qu'ils sont militants, ils y croient, parce que le mode de construction de travail social s'est souvent fait contre l'éducation et ses formes les plus scolaires. Et par ailleurs, vous savez qu'il y a une universitarisation du travail social, en tout cas des projets, et là, la thèse donne une légitimité. Donc, si vous voulez, il y a toute une série de raisons qui vont expliquer que des candidats encore peu nombreux vont passer par la thèse en VAE. Alors, on pourrait faire valoir qu'il s'agit de quelque chose de très marginal. Depuis que je travaille sur la VAE, on m'a dit toujours que c'était petit comme sujet, c'est vrai, mais c'est un petit sujet qui a de grandes conséquences. Et quand j'en parlais au début de 1999, parce que les débats parlementaires ont commencé là à être évoqués, enfin, cette question de la VAE, par exemple, mes collègues universitaires me disaient « Jamais dans les universités, la compétence ne s'introduira. C'est que tu as travaillé sur les lycées professionnels ou les écoles primaires, mais non, jamais les collègues n'accepteront que leur programme soit redéfini en termes de compétences. » Donc on a vu ce qu'il en était, s'il était advenu. Et donc de la même manière, si vous voulez, la VAE, jamais les gens n'imaginaient qu'elle pourrait concerner le doctorat. Et c'est pour ça la surprise de certains en 2016, quand ils s'aperçoivent qu'il y a une procédure qui existe. Mais je pense que cette procédure, elle a des conséquences, un peu comme le fait remarquer Adrien, et de façon vraiment complémentaire à ce qu'il a dit. Elle va changer nos perceptions, elle fait partie de cette transformation du regard qu'on va porter sur les thèses, et donc c'est pour ça que je parlais de révolution symbolique. Bon, d'abord, il y a cette idée que une thèse, c'est un travail écrit, mais ce sont surtout des compétences professionnelles et de la réflexivité. Et donc on retrouve cette idée de réflexivité, la réflexivité nécessaire. C'est dans le dossier, hein. Il faut non seulement avoir des expériences, des activités, des compétences, mais avoir une forme de réflexivité par rapport à ces activités. Ça, c'est la grande idée, cette réflexivité, on la retrouve quel que soit le titre et le diplôme. C'est, je dirais, là aussi, de la réinterprétation par les ingénieurs des services pédagogiques qui sont ensuite, eux, les... je dirais, les maîtres en termes de réflexivité, ceux qui apprennent la réflexivité, ceux qui travaillent sur la réflexivité et qui la valorisent. Parce que je rappelle qu'au-delà de la réflexivité demandée à un doctorant, on va demander à la coiffeuse pour avoir son CAP de faire preuve aussi de réflexivité par rapport à ses expériences. Donc en termes de facilitation de l'accès des plus éloignés du système scolaire à des titres, on peut en discuter. Donc il y a, à travers... cette VAE, doctorat par VAE, c'est la façon aussi d'introduire cette notion de compétence dans l'enseignement doctoral et puis d'insister encore sur le fait que ce qui compte, ce sont les compétences professionnelles. Les compétences professionnelles, même en matière de recherche, ce sont des compétences professionnelles. Et la recherche est aussi évaluée par rapport à ces compétences professionnelles. Ça permet aussi, bien sûr, de raccourcir la durée. On retrouve toujours cette pression à la durée. À partir du moment où on peut obtenir une validation, un doctorat par VAE, alors encore plus rapidement, hein, potentiellement que les 2 ans, on peut arriver à 1 an. Bon, souvent, c'est un peu plus long. Mais on peut arriver à obtenir au terme de l'année universitaire ce doctorat. Mais alors, pourquoi des gens traînent aussi longtemps? Il y a quand même un problème. Alors que ces gens qui obtiennent un doctorat par la VAE, en plus, ils ont une activité professionnelle à côté. Donc, il y a ce jugement finalement implicite d'inefficacité du côté renvoyé des doctorants classiques encore une fois, parce qu'ils ont emprunté la voie classique. C'est aussi une façon de banaliser la participation des professionnels à l'enseignement doctoral. Alors, des professionnels, pour le moment avec thèse, mais avec thèse peut-être maintenant obtenue par VAE. Puisque c'est aussi la logique, j'aurais dû le dire dans les raisons, hein. Il y a des gens qui vont passer la thèse en VAE pour pouvoir aussi être dans des jurys de thèse ou dans des commissions de ce type. Et à un moment donné, si vous voulez, on dit finalement que les enseignants-chercheurs, leur professionnalité, elle est très très limitée, puisque des professionnels peuvent aussi bien qu'eux évaluer les recherches et par exemple faire partie des jurys. Ce qui se joue aussi, c'est la transformation du financement des formations. Là, je rejoins aussi Adrien Clouet, puisque le principe là pour ces diplômes en termes de VAE, c'est que le candidat participe aux frais de son jury. Alors ça ne se sait pas, il y a les frais d'accompagnement qui sont prélevés, mais il y a aussi les frais de jury. Alors avec une variabilité très forte d'une université à l'autre, pour ce que j'ai vu là des procédures mises en place, au minimum on est à 1 600 €, et on va jusqu'à 3 000 ou 4 000 €. Mais il y a des établissements qui ont une tradition de tarifs plus élevés pour des diplômes de master. Je pense quand ils vont mettre en place la procédure, ou s'ils l'ont déjà mise en place, les tarifs seront plus élevés. Et pour répondre aux questions sur formation continue et formation permanente, moi c'est une question que j'ai à cœur depuis longtemps. Bien sûr, il y a des prises en charge possibles par la formation continue, pour ceux qui sont envoyés par leurs entreprises, pour ceux qui sont au niveau les plus élevés de la hiérarchie de l'entreprise, mais pour les autres, c'est de leur poche. Et donc, l'écart n'est pas très fort entre les deux, puisque par exemple, à l'université de Bordeaux, c'est 3 000 € le doctorat en VAE avec un financement en formation continue, 2 000 € pour les gens qui n'ont pas de financement. Voilà, qui sont demandeurs d'emploi ou qui sont dans une démarche purement individuelle. Et là, on comprend bien qu'on fait passer l'idée que ce qui est demandé aux étudiants classiques, c'est complètement décalé par rapport à ce que le financement nécessaire de l'accès à une certification. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on ne pourra pas longtemps accepter qu'il y ait un écart de tel niveau entre ce qu'on demande à des gens qui viennent par la voie de la BAE et ce qu'on demande à des gens qui sont en formation initiale. Pour le même diplôme, pour des gens qui sont dans la voie VAE sans passer par un financement par l'entreprise. Et donc, pour moi, j'y vois, parce que c'est aussi une question qui m'intéresse, hein, la résurgence sur la théorie du capital humain. Hein, alors, il y a la vision positive du travail des théoriciens très libéraux pourtant du capital humain, qui consiste à dire, voilà, on valorise la formation est un investissement, mais ce que rappelait Gary Becker, c'est que ce qui doit prendre en charge d'abord l'investissement, celui qui bénéficie de la formation. Et celui qui bénéficie de la formation, c'est d'abord celui qui est formé. Et c'est à lui de prendre une part importante au financement de sa formation. Et comme c'est ce qui se passe dans la formation continue, hein, où les salariés doivent prendre sur leur temps désormais pour la formation, même aux compétences qui servent à leur employeur, on a aussi cette idée là qui va se développer que pour l'enseignement supérieur, les usagers de l'enseignement supérieur doivent payer davantage. Et donc, c'est une façon de banaliser aussi cette idée. Enfin, le dernier point, et pour ouvrir la discussion même dans les 20 dernières minutes, c'est aussi, classiquement, une banalisation de la notion de diplôme qui s'opère. Alors ça, c'est ce qui est à l'œuvre avec la VAE et à travers ce qu'on appelle le RNCP, qui a été institué en même temps. Le Répertoire National des Certifications Professionnelles, création aussi de la loi de modernisation sociale, sont inscrits au RNCP tous les titres et diplômes. Les diplômes, vous savez, ils sont délivrés par l'État ou au nom de l'État, ils avaient une valeur supérieure au titre. Au titre délivré par d'autres ministères, mais aussi au titre délivré par toutes les petites écoles. Maintenant, tout est mis sur le même plan, rangé par niveau de diplôme. Donc le niveau 1, c'était évoqué, hein, de master à doctorat, donc sans différenciation. Niveau 2, niveau 3, voilà, niveau 4, bac. Enfin, vous voyez, tout cela est rangé au même plan. Vous avez un titre d'une petite école de commerce qui a été créée il y a 4 ans, qui va être mis au même plan, niveau 1, qu'un doctorat délivré par l'université au nom de l'État. Et donc vous voyez bien que ça renforce les titres et ça dévalorise les diplômes. Et pour moi, l'explication fondamentale aussi de pourquoi on met en place ce dispositif et pourquoi on l'élargit en 2002 à l'enseignement supérieur, c'est aussi ça, on veut faire bouger l'université, ça sert de levier de redéfinition des programmes en termes de compétences, et ça sert aussi de levier de redéfinition du système de certification. On avait une tradition en France du diplôme qui en agace beaucoup, qui en agaçait beaucoup, et bien là, de certaines manières, avec la VAE, on remet en cause la notion même de diplôme, et au plus haut niveau symbolique qu'est le doctorat. Et donc, comme il y a une hiérarchie du diplôme, en remettant en cause, en banalisant par cette voie le doctorat, on banalise la notion même de diplôme. Voilà. Pardon. Oui, je reviens sur ce que vous dites par rapport au RNCP. CNCP qu'on a créée en même temps que la VAE. On va oublier que cette loi vient du ministère de l'Emploi. Auparavant, il y avait une CTH qui était à même niveau le titre des ministères par rapport à ce petit cours. Ça datait de la CTH et pas de la CNCP. Donc en fait, on en est aussi dans des rivalités, je pense, entre ministères. Au moment de la création de la CNCP, on a demandé au ministère de l'Enseignement supérieur, parce que normalement, ils sont inscrits de droit, parce qu'il y a deux procédures. Il y a l'enregistrement de droit pour les titres délivrés au nom de l'État, après avis d'instance consultative. Donc on a demandé au ministère de l'Enseignement supérieur quel titre il pouvait inscrire de droit, puisqu'il n'y avait pas vraiment une commission consultative dans l'enseignement supérieur, sauf pour les DUT, qui sont des diplômes nationaux aussi. Bon, après, il y a eu le CNESER, etc. Et l'enseignement supérieur ne voulant pas faire de différence entre ces titres professionnels, comme licence professionnelle, DUT, etc., et ces licences générales, a demandé à ce que tous ces titres soient inscrits, en fait. Donc c'est moins une logique de professionnel. Ceci dit, ça a des effets que vous dites, de pousser à l'écriture en compétences. Oui, parce que en fait, dans un premier temps, il était dit que tous les diplômes pour maintenir la hiérarchie seraient inscrits de droit. Et désormais, ils sont inscrits de droit, mais à condition qu'ils aient été redéfinis en termes de compétences. Oui, ça, c'est un nouveau critère, effectivement, qui est venu pour l'inscription à la RNCP. Oui, et qui n'est pas dans la loi. Non. C'est ça qui est fabuleux. Qui définit, effectivement, et qui se durcit en fait. Et ce qui est le plus gros paradoxe, parce que j'ai regardé sur un centre de fiches, c'est que la petite école de commerce que je connais sur les quais de Bordeaux, qui a été créée récemment, il y a trois lignes pour son référentiel de compétences. Ouais. Et maintenant, on nous demande, nous, dans les diplômes nationaux, de faire des descriptions précises. Ils essaient de les retoquer. Et parce qu'en fait, derrière, moi, l'hypothèse que je fais, c'est un moyen véritablement de redéfinir les curricula. C'est-à-dire, d'abord, ça passe au RNCP. Redéfinissant en termes de compétences, et puis après, maintenant, qu'est-ce que c'est, ça, ce savoir? C'était ça, les remarques, hein. Littérature, mais qu'est-ce que c'est comme compétence professionnelle? Donc, et pourquoi faire un cours de littérature? Attendez, ça correspond à quelle compétence professionnelle? Partez du référentiel du diplôme. Désormais, il est inscrit dans la RNCP. Donc, c'est tout ça, les effets de la VAE. Je pense que c'est véritablement une entreprise de redéfinition des... Alors, moi, je ne sais pas si ça vient de la VAE. Par exemple, le doctorant tout à l'heure parlait de Lisbonne et de la société de la connaissance, en fait. C'est cette tendance d'abord à élever les niveaux. Ensuite, effectivement, c'est l'enseignement professionnel qui a servi de laboratoire à l'approche par compétences, parce que c'était plus facile dans l'enseignement professionnel. Mais une fois qu'on a fait le secondaire et que les niveaux augmentent, il faut le faire aussi pour le supérieur. Hein. Donc la VAE, c'est peut-être une conséquence de toutes ces politiques aussi, qui consiste à introduire les approches compétences dans l'enseignement, quel qu'il soit du coup. Dans l'enseignement général, en revanche, secondaire, ça a beaucoup moins pris ces approches compétences. Oui, non. S'il y a des évaluations... Il y a le socle commun de connaissances et compétences, quand même. Hein. Oui, il y a le socle commun. Et puis, il y a aussi, dans les compétences en langue, par exemple, c'est redéfini en termes de compétences. Hein. On casse le groupe classe, on fait des niveaux en fait en termes de compétences. Oui, mais il n'y a pas de référentiel, quoi, c'est ce que je veux dire. Regardez, quand même, parce que maintenant, dans les programmes, ça n'était pas... Ça évolue, ça progresse assez rapidement. Il y a des évaluations aussi en sixième, etc., qui sont formulées en compétences, effectivement. Mais moi, il y a eu de la résistance, quoi. Je veux dire, c'est moins introduit facilement que dans l'enseignement professionnel secondaire, je pense. Pour ce qui est de cadre européen, bien sûr. Bien sûr que c'est l'Europe aussi qui pousse à la redéfinition en termes de compétences. Mais ce que je pense aussi, c'est que la VAE a été conçue pour déverrouiller un système français qui était plus centré autour du diplôme qu'il ne l'est dans les autres pays. Et donc, le mémorandum sur l'éducation et la formation tout au long de la vie, rédigé par la Commission européenne en 2002, donc qui est la base des discussions ensuite sur la société de la connaissance, un appel à la diffusion des systèmes de validation d'acquis. Mais en fait, ces dispositifs de validation d'acquis, ils ne se sont pas développés également dans tous les pays. Ils étaient tradition anglo-saxonne, enfin plutôt canadienne d'ailleurs, ou avec les NVQ au Royaume-Uni. Mais je pense qu'en France, ça a été vraiment conçu par tous les acteurs et les promoteurs de la VAE, et donc par exemple par quelqu'un qui est Vincent Merle, qui a été directeur du CEREC, qui a été directeur du CEREC, qui est impliqué dans la rédaction de la loi de modernisation, qui était le principal, oui, un des principaux rédacteurs, et qui a un rapport aussi à l'université qui était particulier. Enfin, voilà, donc je pense que c'était ça, il faut déverrouiller. Donc vous avez raison aussi pour la concurrence entre ministères, elle s'est jouée sur les durées d'expérience, et elle se joue encore très très fortement, c'est à front très très tendu. Moi j'ai fait un an d'observation au CIBC, dans un CIBC, donc un premier point relais conseil sur la VAE. Il y a d'un côté l'éducation nationale, de l'autre côté tous les autres ministères, parce que c'est la concurrence pour... et à travers la VAE, on voit bien le moyen aussi de redéfinir les rôles et les puissances des uns et des autres. Et les critères qui sont aujourd'hui utilisés pour l'inscription au RNCP, on voit très bien que ça vient du ministère de l'Emploi aussi. Hein. C'est l'insertion professionnelle, l'emploi ciblé et l'écriture en référentiel. Tout ça pour l'enregistrement sur demande. De plus en plus, j'avais une autre question. Parce que vous parlez des NDQ par exemple. Alors, pour les NDQ, ce qui se pratique dans les pays anglo-saxons, c'est essentiellement du portfolio quand on a de la reconnaissance. Alors, je me demandais si, à l'université, de ce que vous avez vu des jurys, est-ce que ça peut être un critère d'évaluation les preuves apportées aux réalisations, par exemple de publications ou autres, dans les dossiers VAE. Alors, oui, j'en ai vu comme ça, effectivement, il y a un portfolio. Vous avez vu aussi que le terme portfolio est entré dans l'arrêté doctoral. Eh oui. Alors, il n'y a pas marqué compétence, mais le terme portfolio est inscrit. C'est-à-dire que, en fait, l'évaluation pour l'obtention de la thèse, ça sera ce portfolio. Alors, on parle de formation, un ensemble aussi de production. C'est pas. C'est totalement lié. Donc, c'est pour ça que je dis depuis 2013-2014, il y a quand même des offensives un peu dans tous les sens pour aller jusqu'à une redéfinition de ce qu'est un doctorat. Et moi, je voulais replacer cet internat dans le contexte des communes, parce qu'il se trouve que je suis à Paris-Est, que c'est une commune où il y a deux universités, l'École des Ponts, et toute une série d'agences, du genre le CSTB, l'Agence française du bois, l'établissement français du sang, etc. etc. Et il me semble que là, pour le coup, il y a des effets d'opportunité pour un certain nombre d'ingénieurs ou d'acteurs de toutes ces agences de disposer de ce doctorat à telle enseigne qu'il y a deux tarifs. Il y a un tarif interne à la commune et un tarif externe à la commune. Effectivement, il y a ceux qui sont... Ce ne sont pas les enseignants associés. Mais ce sont... il me semble que c'est le même timing, c'est-à-dire la mention des communes, c'est aussi 2012, 2013, 2014. Et il me semble que là, il y a un effet d'opportunité énorme où, effectivement, les écoles doctorales échappent de plus en plus aux établissements. Nous, c'est plus dans notre établissement, c'est à la commune qui est l'école doctorale. Dans la commune de l'école doctorale, les ingénieurs, par exemple, c'est compliqué pour eux quand ils ne sont pas docteurs. Donc là, ça permet de passer toute une série de personnes en doctorat, et surtout si on ne peut même pas voir sur quel type de travaux c'est, ou de dossiers. Et donc, il y a une conjoncture là qui me semble extrêmement préoccupante pour le statut du doctorat. Mais ça dit bien, en fait, là aussi, le rapport de hiérarchie des disciplines et comment aussi, à travers l'ouverture ou non à la VAE, on a re-hiérarchisation des disciplines. Quant à l'accord avec la Fédération nationale des gestion, c'est assez particulier, je l'ai lu, parce qu'ils ouvrent aussi, ils prévoient le doctorat en VAE pour des gens qui sont déjà docteurs d'autres disciplines. Oui, c'est ça. Parce qu'ils disent, on a beaucoup de postes, c'est vrai, c'est le premier en termes de postes avec l'informatique, et on n'a pas assez de candidats. Alors on va transformer des docteurs d'autres disciplines en docteurs en gestion par la VAE. Mais ça, c'est amusant, parce que pourquoi avoir besoin de la VAE, là encore, alors qu'il suffit que leur instance de qualification qualifie les candidats, par exemple sociaux, nous on est bien placés pour le savoir. Quoi. Une question un peu générale, merci pour vos présentations. Parce que j'ai l'impression que vous dites un petit peu des choses contradictoires aussi. Donc, d'une part, le doctorat s'est dévalorisé par certains milieux professionnels, et d'autre part, il y a des stratagèmes, des nouvelles manières d'obtenir un doctorat parce que c'est valorisé par certains milieux professionnels. Est-ce qu'on parle des mêmes milieux professionnels? Est-ce que la thèse pour eux, est-ce que c'est de la même chose qu'on parle? C'est différent, mais il me semblerait en tout cas intéressant de clarifier ça, parce que le discours ambulant, en tout cas, que moi, en tant que doctorant, par exemple, si j'entends, c'est qu'il faut, voilà, que c'est pas valorisé et que donc il faut apprendre au monde que ça vaut la peine d'avoir fait. Alors, cette contradiction, on la retrouve aussi dans le rapport des entreprises plus largement au diplôme. Moi, j'ai fait un travail sur la façon dont, pour la direction de l'enseignement scolaire, sur la façon dont les entreprises, soi-disant gérées par les compétences, et donc dans le cadre de la gestion par les compétences, elles disent nous, on travaille sur les compétences, pas sur les diplômes. Et en fait, quand on va un peu plus loin, en même temps, il y a une critique du diplôme, et en même temps, il y a une certaine valorisation du diplôme. Alors, par rapport à la VAE, regardez aussi la contradiction fondamentale qui consiste à dire que le diplôme, ça ne sert à rien au moment des compétences, et de décerner à des gens qui ont des compétences des diplômes. Et en fait, l'explication, c'est qu'il n'y aurait pas besoin de VAE si les entreprises et l'État employeur reconnaissaient les compétences, comme ils disent de faire. S'ils reconnaissaient les compétences comme ça se faisait auparavant par la voie de la promotion interne, eh bien, il n'y aurait pas besoin de VAE. Pourquoi un titre si les gens avaient une reconnaissance dans leur entreprise? Donc il y a toute cette ambiguïté que je restitue aussi moi-même. C'est-à-dire qu'il y a des démarches de remise en cause, de dévalorisation, de banalisation du diplôme qui sont, je dirais, à moyen terme. Et puis dans un premier temps, on facilite son propre accès à ce diplôme. Et ça peut être, les deux peuvent être tenus, c'est-à-dire qu'on va demander le doctorat en VAE et dire que le doctorat, bon, ça ne vaut pas l'expérience. Mais en même temps, ce doctorat en VAE, on l'a obtenu sur la base de son expérience. Donc, on va revendiquer quelquefois le titre sans spécificité, quelquefois on va dire, mais attention, on a quand même du background. Je le vois, par exemple, quand on regarde d'anciens candidats à la VAE, pour le moment, ils mettent en avant le fait qu'ils ont obtenu par la VAE. Oui. Ils le mettent en avant. C'est-à-dire, voilà, c'est un doctorat, mais ça m'a donné plus qu'un docteur classique. J'ai plus qu'un docteur classique. En ce qui concerne la valorisation des valorisations, c'est vrai que c'est... disons que les actions de formation peuvent donner, enfin que j'ai observé, peuvent donner l'impression qu'on en effet banalise, dévalorise en présentant la thèse comme on peut présenter un travail d'ingénieur ou un projet, justement, mode projet, qu'on trouve partout. En même temps, c'est quand même pas leur objectif, enfin en tout cas dans cette association, c'était vraiment, ça revenait sans arrêt, valoriser le doctorat, le faire connaître les qualités des docteurs. Alors montrer qu'elles sont les mêmes que les ingénieurs, puisque les ingénieurs, ils sont mieux recrutés, plus facilement recrutés que les docteurs. Alors montrer que les docteurs peuvent avoir les mêmes qualités que les ingénieurs, mais montrer aussi, je ne l'ai peut-être pas dit en effet, oublié, quels sont les atouts du chercheur. Le chercheur, il sait faire une veille, par exemple, l'état de la littérature, la bibliographie, dans toutes les disciplines, sciences dures, sciences exactes, sciences humaines et sociales, l'ingénieur il est moins formé à faire de la biblio, voilà. Donc il sait faire de la veille, il sait faire quand même l'imprévu, bon, gérer les imprévus, gérer un peu le hasard, il est devenu spécialisé, donc ils avaient quand même ce souci, donc je voudrais pas c'est vrai en faisant trop le parallèle avec les ingénieurs qu'on passait sous silence les qualités spécifiques au travail de thèse. En tout cas, à la BG au siège, j'entendais quand même souvent parler dans les articles de journaux, etc., qu'est-ce qu'apporte un docteur, justement. Il faut montrer la plus-value d'un docteur. Et qu'il a plus que l'ingénieur. Voilà, en gros, bon, c'est une espèce de rivalité, peut-être, mais, ou l'ingénieur ou l'école de commerce. Enfin, il fallait vanter les mérites des docteurs et que... Voilà, ça, il s'est travaillé pendant longtemps, il peut être obstiné, il s'est présenté, il faut le présenter de façon positive et non pas par rapport à une entreprise qui va dire qu'il est hyper ciblé ou obstiné. Voilà, autrement transformer ce qui est perçu comme des handicaps par des entreprises en qualité. Il y avait quand même ce travail. de traduction et de marketing, enfin une sorte de marketing des qualités du docteur, du doctorant. Donc non, ça. Et il y a des entreprises qui connaissent quand même. Hein, qui... Dès qu'il y a de la R&D, ça va. C'est pas dévalorisé, au contraire. Il y a des entreprises qui connaissent pas du tout. Est-ce que vous pouvez déposer le nom sur le parcours de la personne, un petit peu d'un point de vue réflexif, c'est-à-dire comme des interviews avec la personne, est-ce que vous avez accès à ce genre de réflexion sur le parcours par la personne elle-même, comment elle présente cette décision? Alors j'étais en discuter. En fait, initialement, je voulais centrer sur le doctorat en VAE, mais c'est parce que ça devait se faire l'an dernier, et puis j'ai essayé de recontacter, en faisant venir un docteur par VAE, un membre de jury, et voilà. Et puis ça n'a pas pu se faire parce que la date tombait mal, j'ai cherché aussi des partisans de la VAE, j'en avais trouvé, et puis ils ne pouvaient pas ce jour-là, pour voilà, faire cet exposé. Ce que j'ai dit des raisons, c'est parce que c'est à partir de discussions que j'ai eues avec des candidats. Hein. Mais non, sur les trajectoires, moi je pense que pour le moment, pour les doctorants, la dimension militante est assez forte. C'est-à-dire, je pense en particulier aux gens qui viennent du travail social. C'est aussi la moyen de faire reconnaître la spécificité du travail social. Alors, avec tous aussi la question, ce n'était pas le cas pour cette thèse, elle est, encore une fois, c'est une thèse qui aurait pu être, elle a été soutenue en sciences politiques, elle aurait pu être une thèse soutenue par la voie classique. Mais vous savez que dans le domaine du travail social, et ça fait vraiment conflit actuellement, les gens qui sont dans les écoles de travail social considèrent que tout écrit est un écrit de recherche. Et voilà, tout écrit est un écrit de recherche, parce qu'un écrit, c'est réflexif, et que la recherche, c'est la réflexivité. Et donc, par rapport à ça, vous voyez, la définition que l'on fait de la recherche dans l'univers académique n'est pas la même, et ça s'oppose frontalement, et c'est un moyen de dénouer que de passer par la VAE, qui va reprendre cette logique de l'écrit qui est écrit de recherche parce que réflexif. Mais là, ce que j'ai vu, encore une fois, c'est pareil, hein, il va y avoir dans cette affaire des gens qui font des choses très bien, hein, enfin, qui ont des dossiers très sérieux. Il va y avoir, un peu comme pour les opérations de professionnalisation, des choses qui peuvent se faire sérieusement. Et après, quand on diffuse et quand on, je dirais, élargit, là, vous avez des caricatures. Pour le moment, je pense que c'est assez encadré. Pour le moment, les premiers cas... Enfin, si, j'ai un cas quand même... Or, le cas de Limoges était assez fabuleux. Hein. C'était quelqu'un qui travaillait au rectorat de Limoges, qui avait Marie Gauthier comme professeur associé. Quand il avait fini en gestion, il voulait venir en sociaux. Donc, il faisait un peu pression. Il a passé sa thèse en gestion, voilà, comme ça. Il est devenu administrateur territorial, parce que c'est aussi tout un réseau politico-universitaire à Limoges. Et puis il s'est installé comme consultant. Mais il n'a jamais rien écrit. Sauf, voilà. C'était... Mais c'est une question qui me tient à cœur, parce qu'on est menacé dans des disciplines comme la sociologie, la science politique, plus que dans la mathématique ou en physique, parce que tout le monde est sociologue, tout le monde est politiste. Les psychologues sont préservés parce qu'eux, ils ont déposé le titre. Les économistes un peu, mais par exemple, sociologue, c'est typiquement... il n'y a que des sociologues. Hein. Ce n'est pas protégé, donc voilà. Voilà, et à la télé, vous voyez régulièrement des sociologues. Enfin, c'est-à-dire, ceux qui sont invités, qui ne sont pas dans les enchantements et qui ne sont pas dans la culture de l'excuse, sont régulièrement invités et sont sociologues. Enfin, peut-on penser que quelqu'un qui aura passé sa thèse en VAE puisse ensuite se présenter pour soit en fac, soit pour un poste en fac? Ah, c'est tout à fait, oui. Sauf, en faisant la recherche du mal à ranger, je me suis aperçu que je n'avais pas répondu à une curieuse lettre que j'avais eue il y a un an de quelqu'un qui était dans une situation de détresse, qui était traducteur à l'Union européenne et qui avait eu un titre par la VAE. Et l'Union européenne n'a pas voulu lui reconnaître, c'est assez intéressant, et notamment la Cour de justice n'a pas voulu reconnaître, en faisant valoir que ce n'était pas une garantie de la compétence. C'était une opération de certification, mais qui ne disait pas quelque chose de niveau de formation. Alors, je crois qu'il y avait un malentendu sur les positions que je défendais, parce que dans un premier temps, on me disait, vous qui spécialiste d'AVAE et tout ça, est-ce que vous ne pourriez pas intercéder en ma faveur, me donner des arguments pour... voilà. Donc, ce qui est assez amusant, là, c'est qu'en France, ça va marcher tout à fait hein, pour l'accès à la fonction publique, mais visiblement, il y aurait quelques réserves d'un point de vue juridique là, au niveau européen pour les gens qui travaillent dans l'administration européenne. Voilà, à vérifier, parce que la lettre était quand même assez curieuse dans sa tonalité, dans ses formes. Mais non, il n'y a rien de marqué sur le diplôme. Sauf que, du coup, si la soutenance, si on peut appeler ça oui. comme ça, se fait à huis clos, y a-t-il un rapport du jury? Alors, il y a un rapport du jury qui est un rapport comme ceux pour tous les titres de VAE, qui dit ça a été accordé dans son intégralité, partiellement, et quelques lignes pour justifier les qualités du candidat. Ce n'est pas du tout un rapport de thèse. Donc, ça, voilà, donc là, on a un indice. Quand même. Alors, il y a un référent, mais oui. Donc, on ne peut pas se présenter... Il y a des rapporteurs aussi, hein, quand même. Ah oui, mais il n'y a pas forcément de thèse, de document. Non, il y a quelquefois un document, mais c'est le candidat. En fait, c'est le droit est vraiment très très protecteur. On ne peut pas, le document n'est pas diffusable sauf si le candidat le veut bien. Oui, c'est ça, mais en fait, si ce candidat se présente en fac ou au CNRS, on lui réclamera, il ne pourra pas... C'est vrai, ne pas, pour le moment, pour le CNRS, il ne pourra pas déroger. Pareil, sur le dispositif VAE par 8. Oui. Et moi, naïvement, j'ai dit que ça ne peut pas être à la formation continue, il faut que ce soit dans les écoles doctorales. Et on m'a dit, bah oui, bien sûr, donc c'est gratuit. Donc, ça va être gratuit, j'espère, parce que c'est pas encore validé. Mais en tout cas, imaginons un doctorat par VAE qui veut postuler en fac, qui doit donc passer par les procédures de qualification. Mm-hmm. Du coup, ça veut dire que pour se présenter au CNU, par contre, il n'a pas de rapport de soutenance. Il n'a pas de thèse, il n'a pas de rapport de soutenance. Ouais. Il n'est pas qualifié, sauf que pour les professeurs associés, la disposition, le dispositif est un dispositif et une voie particulière de titularisation possible au bout de 6 ans ou 9 ans. Et là, il n'y a pas besoin de... Non, mais parce que moi, je suis plutôt dans le champ des arts, et donc dans les écoles d'art, il y a une grosse pression pour que les professionnels obtiennent des doctorats parce qu'il y a des conventions avec les universités, blablabla. Donc, j'imagine que ça n'existe pas qu'en art, mais en tout cas... On est en travail social, je pense. Voilà. Donc, du coup, ces gens-là vont devoir passer par les procédures de qualif. Donc, moi, je pose la question de façon très intéressée parce que je plaide pour l'instant, j'essaye de maintenir le principe d'un rapport de soutenance digne de ce nom, d'un dossier qui ne parle pas que de ses savoir-être, de ses savoir-faire, mais aussi qui parle un peu de recherche. Mais avec l'idée aussi que si, de fait, les gens veulent après pouvoir accéder au poste de chercheur, il faut qu'ils aient un dossier qui le leur permette. Mais c'est un bon argument, je trouve. De toute façon, vous avez une certaine latitude, hein, puisque il n'y a rien dans le texte. Il y a juste le verrou juridique, là, le document appartient au candidat, il ne doit pas être diffusé, les membres du jury doivent pas... Voilà. Quand on travaille en termes de recherche, d'ailleurs, sur la VAE, c'est difficile, parce que normalement, on ne pourrait pas faire de citation. Si je peux me permettre, moi, je pense que les anciens chercheurs sont extrêmement responsables de ce qui se passe aujourd'hui sur la VAE, parce que au sein des universités, il se trouve que par le courant des hasards, aujourd'hui, je travaille sur le doctorat VAE, mais que par ailleurs, je dirige un emploi de la formation continue. Je suis quand même ébahie de voir à quel point les enseignants chercheurs, se considérant dignes de ce nom, ont un mépris le plus total pour la formation permanente, pour les dispositifs de formation permanente, et donc ils ont abandonné complètement toutes ces nouvelles lois, effectivement, à des professionnels de la VAE ou autres, à des marchands de formation, des formations permanentes, etc. Mais ça, c'est quand même essentiellement parce que aucun enseignant-chercheur, il y a toujours des modes d'aménagement dans ces nouvelles réglementations. Et si on y travaille, on peut en faire des choses un peu dignes. Mais encore faut-il que on ne le laisse pas aux managers. Mais je ne sais pas, je comprends ce que vous dites, mais je ne peux pas être d'accord avec votre généralisation. aucun enseignant-chercheur, ça dépend des situations. Moi, je suis très critique sur la VAE, j'ai été chargé de mission à la VAE lorsque ça s'est mis en place dans mon université. J'ai essayé de maintenir la gratuité. Dès que je suis parti, ça a été remis en cause. On peut avoir des actions comme ça. J'avais aussi réfléchi au jury, j'ai essayé d'harmoniser les pratiques. Donc on peut faire des choses. Mais vous avez raison en revanche, mais c'est une vieille histoire, hein, ça date des années 70. Et ce n'est pas uniquement les enseignants-chercheurs, c'est le monde de l'enseignement. Parce que dans le second degré, on met en place les GRETA. Au départ, les GRETA, le groupement d'établissement pour faire de la formation continue, ils devaient s'appuyer sur les enseignants du second degré qui étaient là, des locaux, des enseignants, c'était idéal pour former. Et en fait, les enseignants du second degré ne voulaient pas travailler avec ces mauvais élèves qui étaient donc des gens qui étaient en formation continue, donc ils avaient raté, s'ils revenaient au lycée. Pour l'enseignement supérieur, c'est un peu différent. Et qui plus est, c'est des adultes. Alors, les adultes, c'est pire, hein, comme sauvageons que les enfants. Hein. Là, ça faisait peur. Et voilà, ils se sont effectivement non investis. Ce qui explique, ça a plein de conséquences, ce qui explique qu'un certain nombre de gens sont devenus des militants forcenés de la formation continue. Et je pense en particulier au service de formation continue, par exemple à Martine Carrette, c'est Feutry, c'est tous les gens du Nord, qui étaient aussi liés à Dubard, hein, ont investi dans la formation continue à un moment donné où elle était très méprisée, ont fait le constat que la formation continue n'avait pas marché, et maintenant on réinvestit dans la VAE. Moi, je n'arrivais pas à parler avec Dubard de la VAE. À chaque fois, il trouvait que j'étais caricatural, parce qu'il était, lui, militant. Et moi, j'observe, enfin, quand je montre que les bénéficiaires de la VAE ne sont pas ceux à qui elle était destinée, on me dit que je suis des enchanteurs. Mais c'est pas, je le dis pas avec mépris, je dis il faut prévoir des choses parce que je fais des propositions. Par exemple, c'est complètement fou que pour un CAP de coiffure, il faille faire un livret, écrire ses expériences et décrire, faire sa preuve de réflexivité. Il faudrait l'accorder automatiquement sur la base d'une expérience assez longue avec un entretien. Ouais, moi, je fais des propositions, mais je suis critique, notamment pour la VAE universitaire, parce que j'ai vu un certain nombre de cas, mais pas que pour ce diplôme-là, en fait, de choses qui n'étaient pas régulées. Quoi. Alors, avec plein de choses, quand on dit aux enseignants-chercheurs dans les jurys, moi, j'ai des choses superbes, hein, plein d'exemples. Une licence pro de métier de l'immobilier avec un professionnel qui est un agent immobilier. Et puis, il y a, vous savez, depuis quelques temps, depuis quelques années maintenant, il faut une licence pour ouvrir, pour maintenir l'activité d'agence immobilière. Donc, il y avait ceux qui avaient la licence et ceux qui ne l'avaient pas. Ceux qui ne l'avaient pas, ils ont demandé en VAE cette licence profession immobilière. Et donc, le jury, c'est un professionnel, donc un agent immobilier. En face de lui, c'est le type qui est en face, qui est l'agence immobilière en face de la sienne. Et ce n'est pas le prof de droit qui est le plus dur, hein. C'est lui. Il lui dit tel... article du code de l'urbanisme, vous pouvez me dire ce que c'est? Et pareil, l'an dernier, j'ai fait un président de jury du bac pro cuisine à Limoges, et il se trouve qu'il y avait le... Je ne lui parle parce qu'il y a de Limoges, maintenant j'y suis plus. Il y avait le gérant du buffet de la gare qui était dans le jury, et en face de lui, il y avait un très bon petit restaurant, enfin, donc l'ancien chef d'un très bon petit restaurant qui était à 400 mètres. Mais... il avait 10 ans d'expérience, il en avait marre, ça se comprend, les horaires de la restauration, les conditions, et puis il voulait devenir prof. Alors, il ne l'a pas dit tout de suite. Mais alors, au moment du jury, j'ai dû peser pour qu'il obtienne tout mon poids, pour qu'il obtienne, en tant que président, ça sert quelquefois, pour qu'il obtienne son diplôme de bac pro cuisine. Alors le procès, c'était, non mais la carte, elle n'est pas très originale. Alors on jugeait sur la carte. Et donc il y avait le professionnel qui voyait son concurrent qu'il avait emmerdé pendant un certain nombre de temps, donc qui réglait son compte. Et quand il a eu le malheur de dire qu'il voulait faire sa VAE pour devenir prof dans un lycée professionnel, alors l'enseignant de lycée professionnel cuisine s'est aussi ligué. Et ça s'est joué à peu de choses, encore une fois. Voilà. Donc quand on me dit que ce sont les enseignants et les enseignants-chercheurs qui sont les plus sélectifs, non. C'est faux, enfin moi c'est pas du tout ce que j'ai vu, et j'ai eu la pratique de tous les jurys pendant 2 ans à l'université de Limoges. Ah non, je disais pas sélectif, hein, je disais dans le sens de s'intéresser à la formation des adultes, quoi. Enfin, oui, mais c'est vrai qu'il y a... j'aime pas les généralisations, il y en a effectivement, mais c'est pas tous. C'est comme quand on généralise sur les enseignants, enfin non, il y en a, c'est sûr. Il y en a pour ces raisons historiques notamment. Elle avait juste entendu ça quand même. Des fois, ils se plaignaient en effet, les correspondants, qu'ils avaient du mal à faire venir un enseignant-chercheur, alors que ça aurait sensibilisé davantage pour la recherche, pour la formation. Parce qu'il n'y avait aucune indemnisation aussi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, donc c'est à un moment donné, il faut quand même que les enseignants-chercheurs et enseignants réfléchissent à la façon dont ils sont rémunérés. C'est bien beau parce qu'on est une profession libérale quasiment, mais quand on regarde et on compare au reste de la fonction publique, il y a un certain nombre d'actes, parce que je parle en termes de profession libérale, qui viennent s'ajouter au travail régulier qui est de plus en plus lourd, notamment dans des petites facs ou des tâches administratives, et on fait comme si c'était normal de ne pas être payé. Alors, il y a un moment où les gens aussi réagissent comme ça. Enfin, l'agenda explose quoi aussi. Ouais. Et là, par exemple, des choses très, très concrètes, quand j'ai mis en place, je me suis opposé aussi à la responsable de la scolarité. Dans le texte, il est dit « Le jury est composé d'enseignants-chercheurs et de professionnels, les enseignants-chercheurs en constituant la majorité du jury. » Le jury est composé d'enseignants-chercheurs et de professionnels. Alors, comme il n'y avait pas d'indemnisation, moi j'ai dit « On va faire des jurys à trois. » Majorité, ça veut dire deux enseignants-chercheurs, un professionnel. Elle me dit « Non, il y a des professionnels. » Alors je lui dis « C'est un partitif. » C'est un partitif. Et je n'ai jamais pu obtenir... Voilà, le président de l'époque était spécialiste des autoroutes et de l'enrobé d'autoroutes. Il était très sympa par ailleurs, mais lui, il est parti de ça lui échappait. Sa directrice de la formation lui disait il en faut des. Donc, on a fait des jurys à 5. 5 sur 30 diplômes. Donc, ça veut dire qu'on donne du travail à 3 enseignants-chercheurs pour une personne sur un diplôme. Donc, ça passe... un temps qui n'est pas pris en compte. Alors, il est pris en compte dans certaines universités, mais maintenant, on propose de le prendre en compte en faisant payer les candidats. Et donc, vous voyez, c'est le chantage. « Ah, mais vous voulez maintenir gratuit ? Mais comment vous allez faire pour indemniser ?» Parce qu'il n'y a eu aucun financement de l'État. C'est ça qui est scandaleux. Donc, on dit que les enseignants-chercheurs dévalorisent la formation continue, mais le premier à le dévaloriser, c'est le ministère. Donc, moi, je suis très remonté parce que je tiens à la formation continue. Je tiens à ce que les groupes soient mélangés. Formation initiale et formation continue, c'est ce qui marche le mieux. C'est super d'avoir des étudiants de formation initiale avec des... C'était ça l'idée de la formation continue initiale. Mais toute la formation continue, toute la loi de 71, elle a été totalement dévoyée. Et maintenant, on est dans une autre logique, c'est celle de la théorie du capital humain. Et c'est triste. Pardon. Et ce sera le mot de la fin, malheureusement. Mais je pense que ça va être souvent le mot dans nos rencontres, le constat de la tristesse, non mais parce qu'on a vraiment l'impression d'un navire qui prend l'eau, enfin, et quand on voit, enfin, voilà.